Música i paraules, paraules i música. Això sí, en francès. Això se'n diu Hola la Musique amb Rafael Corbí, un programa de gairebé 60 minuts dedicat a la música en francès. De tant en tant, i al vostre costat, música eclèctica. Programes en els quals no són uns artistes determinats els que ens acompanyen, sinó una mica de tot juntament amb els nostres col·laboradors, la gent com els que donen la benvinguda sempre, en Cyril Torres, en Hamid Susan i també, com no, l'Àngel Rodríguez. Avui comencem amb una cançó d'un intèrpret anomenat Ivanov. Ivanov, una banda francesa, aquests creadors d'un sol gran èxit, amb Alyosha Bergman, amb Walter Trajani, Patrick Leiter, Gilles Petitjean i Yves Renaud. Una banda que va tenir el seu gran èxit l'any 1989. Aquesta que escoltem, una gran cançó que avui obre les portes a Hola la Music. La primera de les cançons del programa d'avui, un programa avui en el qual escoltarem artistes molt diversos dins la nostra programació a part dels nostres col·laboradors. Seguim amb una extraordinària cançó d'un artista nascut el 26 de novembre de 1996, Anne Péchard, que es fa dir Luan i que ens aporta una versió extraordinària d'aquest tema. Això és el Je Vol, del seu àlbum Habitació número 12, edició de Lux del 2015. Bye.

noche quemo. Y los bomberos miran el fuego. Me vuelve loco con el sonido. Y con mi gente jamás vencido. Te quemo yo. Tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento. Me sube, sube, sube la calor. Me quemo yo. Tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento. Y sube, sube, sube la calor. Amb aquest mix de música en castellà i música en francès, Kenji Girac, nascut com a Kenji Maillet, és un d'aquests personatges, nascut el 3 de juliol de 1996. Tot això, de fet, ja us ho van dir en el moment que us el varen presentar amb els nostres oients. Avui el que fem és repassar un àlbum en concret, aquest del 2015. Abans de col·laboració de l'Àngel Rodríguez, escoltem un tercer tema que també va sortir com a senzill d'aquest disc. Una cançó que el títol és en castellà, però bàsicament tota la lletra és en francès. Es deia No me mires más, amb la companyia de Soprano. Aquesta cançó va ser un número 9 a França, un número 11 a les llistes balones de Bèlgica. Kenji Girac. Mires más, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. Non mais mires más, mires más, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Si tu juegas con el peligro. Ça fait plus d'une semaine qu'il te décrit comme un poème. Il nous parle que de toi. Il vit sur un nuage depuis que tu vis dans ses bras. Hey, il a retrouvé le sourire depuis que tu es son avenir. Tu es devenu sa joie. Mais tout a changé quand j'ai compris qu'il parlait de toi. Oh, oh, oh. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Déjà plus d'une semaine et je n'ai plus trop de tes nouvelles. N'es-tu pas content pour moi? Toi qui es mon ami, je sens que tu t'es loin de moi. Hey, à chaque fois que je suis avec elle, vos regards ne sont plus les mêmes. Je deviens parano. Toi mon ami, m'as-tu planté un couteau dans le dos? Hey. Ma parano. Je l'ai aimé un soir avant que tu lui mettes l'anneau. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit dans les yeux? Parce que je ne t'ai jamais vu aussi heureux. Tu es mon frère, plus aucune femme entre nous deux. Notre amitié m'est plus chère que ses bons yeux. Laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. Non mais mires más, mires más. Je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Tu juegas con el peligro. Non mais mires más, mires más. Je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. Non mais mires más. Peligro. Així han estat aquestes tres cançons, Hola la Musique, el músic en francès, en Kenji Girac, en des d'aquest ens sembla l'àlbum del 2015. És el moment de passar al primer dels nostres col·laboradors. Serà la música que avui ens tria per nosaltres el nostre bon amic Àngel Rodríguez. Molt benvingut. Què tal, Rafael? Gràcies per convidar-me un cop més aquí a Hola la Musique. Avui et proposo un tema més contemporani de gran èxit sortit el 2016. Es tracta de Oker Moi, que interpreta el cantant Amir Haddad, més conegut per Amir, nascut el 1984 de descendència israeliana. Va representar Amir, alguns el recordareu, a França en el Festival d'Eurovisió del 2016 amb el tema Je cherche, quedant en sisena posició. Un dia us prometo que Je cherche la escoltarem, però avui toca el torn a Oker Moi, Amir. Un jour je suis prédateur, un jour je suis la proie, un jour j'ai chaud au cœur, un jour j'ai tellement froid. Parfois je ne vois plus clair, le miroir me déforme, je me lève sans lumière et mes rêves s'endorment. Plonge au cœur de moi, au fond de mes abîmes, dis-moi ce que tu vois. Plonge au cœur de moi, et quand tout me décime, je veux renaître en toi. Viens, écris sur ma peau les mots que je n'ose pas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Même au bord du chaos, si je tombe, retiens-moi. Un jour je suis l'acteur qui fait son cinéma. Un jour c'est le destin qui tient la caméra. Mon esprit solitaire se perd au fond des bois. Je vois le monde à l'envers, mes rêves sont à l'étroit. Plonge au cœur de moi, au fond de mes racines où personne ne va. Plonge au cœur de moi, le temps nous laisse en ruine, je veux renaître en toi. La col·laboració ben especial que ens portava l'Àngel Rodríguez amb la cançó d'Amir. Seguim amb la música eclèctica, amb el nostre espai, la música diferent amb aquest programa. Hola, la música amb Rafael Corbí. I avui escoltem el cantant nascut el 1916, en Leo Ferrer, que ens portarà aquesta cançó que sentim a continuació. M'agradé a vous ben. Bagnard au bagne de Vauban, dans l'île de Ré, je mange du pain noir et des murs blancs dans l'île de Ré. À la ville m'attend ma mignonne, mais dans 20 ans pour elle, je ne serai plus personne, mère d'à Vauban. Bagnard, je suis chêne et boulet, tout ça pour rien. Ils m'ont serré dans l'île de Ré, c'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant, moi je vois se faner la fleur de l'âge. Merde à Vauban, merde à Vauban. Bagnard, ici, les demoiselles dans l'île de Ré s'approchent pour voir rogner nos ailes dans l'île de Ré. Ah, que jamais ne vienne celle que j'aimais tant pour elle. J'ai manqué la belle, merde à Vauban. Bagnard, la belle, elle est là-haut dans le ciel gris. Elle s'en va derrière les barreaux jusqu'à Paris. Moi, je suis au mitard avec elle tout en rêvant à mon amour qui est la plus belle. Merde à Vauban. Merde à Vauban. Bagnard, le temps qui t'en s'allonge dans l'île de Ré, avec ses poules t'en te ronge dans l'île de Ré. Où sont ses yeux, où est sa bouche avec le vent? On dirait parfois que je les touche. Merde à Vauban. C'est un petit corbillard tout noir, étroit et vieux, qui me sortira d'ici un soir, et ce sera mieux. Je reverrai la route blanche, les pieds devant, mais je chanterai d'en dessous mes planches, merde à Vauban. Així hem escoltat la música de Leo Ferré, que si és el sí, ens portarà ara també una de les seves cançons que ens arriben, també una de les peces guardades en el nostre bagul dels records. Escoltem aquesta cançó. Oh. Doncs aquest espai dedicat també a música més antiga l'estem recordant amb bones cançons i amb bons ritmes. Mistinguet era el nom artístic de Jean Bourgeau, nascut el 5 d'abril de 1875, vedet, cantant i actriu francesa. L'escoltem amb Mon Homme, després d'aquest tema d'en Cosalzi que es deia M'encanten els àngels. Escoltem aquest Mon Homme amb Mistinguet. Anem molt enrere amb el temps abans de la col·laboració d'en Cyril Torres. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. C'est idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. Dès qu'il me touche, c'est fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi, je tuerais ma foi. Sans qu'il me ferait venir infâme, mais je ne suis qu'une femme, et je l'ai tellement dans la peau. Pour le quitter, c'est fou ça, comment te faire d'autres hommes. Entre nous, voyez-vous, ils ne valent pas très cher tous les hommes. La femme, à vrai dire, n'est faite que pour souffrir par les hommes. Dans les balles, j'ai couru, afin de l'oublier, j'ai bu, rien à faire. J'ai pas pu quand il me dit « viens ». Je suis comme un chien, y a pas moyen, c'est comme un lien qui me retient. Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis dingo, que celle qui n'a pas connu aussi ceci ose venir la première me jeter la pierre. En avoir un dans la peau, c'est le pire des mots, mais c'est connaître l'amour sous son vrai jour. Et je dis qu'il faut qu'on pardonne quand une femme se donne à l'homme qu'elle a dans la peau. Un programa més se'ns acosta a nosaltres, una de les col·laboracions habituals del nostre espai de Olala Music, programa dedicat a la música en francès, sigui quina sigui la seva procedència o com anem descobrint darrerament, sigui quin sigui el seu estil. Això ens ho porta, ens ho descobreix una setmana més en Cyril Torres. Molt benvingut. Gràcies i encantat d'estar novament amb tots vosaltres i compartint música, compartint emocions i doncs, evitant fronteres, segurament, i evitant doncs, les barreres que ens impedeixen comunicar entre nosaltres. La música és probablement una de les eines de comunicació més poderoses que hi ha, perquè doncs, sovint se salten el llenguatge, malgrat que aquest programa es basa en l'idioma, o sigui, un programa idiomàtic. L'idioma és barrera i és alhora també doncs, vehicle per accedir a moltes coses. Quan s'ajunten el talent amb els mitjans, doncs, surten coses interessants, i probablement el talent està està repartit arreu, arran... arran el planeta, però els mitjans malauradament a vegades estan concentrats en certs puestos. Això fa que les grans metròpolis, sobretot occidentals, doncs siguin el laboratori on des d'allà es gestionen moltíssimes coses o es difonen en viatges musicals d'anada i tornada. En aquest cas és una formació actual, molt actual, és un tema molt de moda aquest estiu i aquests darrers temps. Ells són del Congo, però avui viuen a França, amb tot el que suposa a nivell de facilitats, probablement, tant a nivell d'enregistrament com de difusió, com de públic, i us deia del viatge aquest d'anada i tornada, perquè doncs, actualment, i afortunadament, la música viatja més enllà de les fronteres. Siboy, un dels grans noms actuals, amb un tema que es diu Mobali, que en Lingala, que és doncs, un dels idiomes que es parla a la República del Congo, vol dir senzillament home. On s'est promis de s'aimer pour la vie, mais je suis fatigué. Oh là là, je suis dépassé. Mon cœur a trop dépensé. Je sais que j'ai pas que les qualités. Cagoulé, je vois les grands-mères paniquer. Cœur noir comme ma sérénité. Oh là là, je suis fatigué. Dangereux mon bali. Dangereux mon bali. Dangereux mon bali. Dangereux mon bali. Dangereux mon bali. Dangereux mon bali. Dangereux mon bali. Dangereux mon bali. J'ai quitté ma mère pour vivre mon rêve. Un rêve de merde car rêver c'est bien. Mais bon l'argent c'est mieux, oui donc pour bien faire. J'ai dû faire les deux donc j'ai rappé. J'ai kické le mic, j'ai clippé. Accumulé les likes, j'ai taffé. J'ai dealé de la weed, j'ai teasé. J'ai même pris de la lune, j'étais complètement fucked up. Turn up, I'm so mad, fuck them. Morgue fut grand tax, road club, weed, blend, jack, honey death. Que pour millions, nanana. J'ai pas que son sous-divan, nanana. La mort dans mes visions. Souvenirs de guerre vécu de migrants, nanana. Hey. On s'est promis de s'aimer pour la vie, mais je suis fatigué. Oh là là, j'suis dépassé. Mon cœur a trop dépensé. Je sais que j'ai pas que tes qualités. Cagoulé, j'vois les grands-mères paniquer. Cœur noir comme ma sérénité. Oh là là, j'suis fatigué. Dangereux mon bali. Dangereux mon bali. Dangereux mon bali. C'est chéri nanga, chéri nanga. J'ai bu toute ta bouteille, chéri nanga, chéri nanga. Je voulais faire avec toi des banaki togo. Chéri des banaki togo. Mais j'ai des problèmes et des soucis sur le déco. J'ai de la fou, ma vie n'est pas kitoko. Dangereux mon bali, négro j'm'en balaye. Dangereux mon bali, négro j'm'en balaye. Je voulais faire avec toi des banaki togo. Chéri des banaki togo. Mais j'ai des problèmes et des soucis sur le déco. Génocide sur génocide, maman africaine perd tous ses enfants. Boko Haram n'a pas d'âme, à ce rythme-là personne vivra longtemps. Délit de faciès par des fascistes, j'vise le sommet comme un perchiste. J'suis toujours dans le fond du bain, t'as fait plus pour gagner, moi je m'en fichiste. Non, noir c'est noir, on reste leur idéologie. Luther King, X, on en fait des récits. Nos présidents sont des dictateurs, dangereux mon bali. Soit tu manques à nous et ta sœur, et c'est pour la vie. On s'est promis de s'aimer pour la vie, mais je suis fatigué. Oh là là, je suis dépassé. Mon cœur a trop dépensé. Je sais que j'ai pas que tes qualités. Cagoulé, je vois les grands-mères paniquer. Cœur noir comme ma sérénité. Oh là là, je suis fatigué. Dangereux mon bali. Dangereux mon bali. Dangereux mon bali. Dangereux mon bali. Dangereux mon bali. Dangereux mon bali. Dangereux mon bali. Doncs aquesta era la col·laboració ben especial, sempre interessantíssima, d'en Ciril Torres, que ens condueix dins la música en francès cap a altres, fins i tot diria jo, planetes musicals. Música absolutament diferent a la que nosaltres podríem arribar a aconseguir per vosaltres. Avui us destaco també dins el nostre programa un àlbum del 1975 i amb un parell de cançons. Va ser l'àlbum de debut sense nom, tot i que es coneix com Amogó de Panamà, que és del cantant i compositor Renaud.

La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dinde marron. Être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, y aurait 50 millions de prétendants. La cançó possiblement més coneguda d'aquest disc de Renaud, que va néixer l'11 de maig a París de 1952, 23 àlbums, 15 milions d'exemplars i excel·lent música com aquest àlbum del seu debut. Aquest tema és el que donava nom amb el disc. Écoutez-moi, vous les ringards, écologistes du samedi soir. Cette chanson-là vaut pas un clou, mais je la chante rien que pour vous. Vous qui voulez du beau gazon, des belles pelouses, des petits moutons, des feuilles de vigne et des petites fleurs, faudrait remettre vos montres à l'heure. Moi, je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage, mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Écoutez-moi, vous les ringards, écologistes des boulevards. Vos beaux discours, y'en a plein le dos, y'a du soleil dans les ruisseaux. La tour Montparnasse, elle est belle, et moi j'adore la tour Eiffel. Y'a plein d'amour dans les ruelles et de poésie dans les gratte-ciels. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage, mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Écoutez-moi, vous les ringards, écologistes des grands soirs. La pollution n'est pas dans l'air, elle est sur vos visages blêmes. Moi j'aime encore les pissotières, j'aime encore l'odeur des poubelles. Je me parfume pas l'oxygène, le gaz carbonique c'est mon hygiène. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage, mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Quan sentiu aquesta música, quan s'endinsa a nosaltres a Olala Music aquests ritmes d'aquest tema, d'aquest Africain a Paris, de Tiken Jaffa Coli, nosaltres és que donem la benvinguda amb el nostre col·laborador i bon amic Hamid, que ens portarà una vegada més la seva col·laboració i ens descobrirà nous mons musicals. Bienvenue, Hamid. Bienvenue et bonjour, Rafa. Alors, la musique du Haïti m'a toujours... J'ai toujours aimé les groupes comme Tabo Combo et Magnum Band. Et aujourd'hui, c'est Coupé Cloué avec Marie Jocelyne. La pluie tombait souvent, soleil levé tous les jours. Moi levé matin, moi joint jardin comme fleurie. Moi formé un joli bouquet, les plus jolies fleurs du jardin. La rose et le muguet, fleur soleil, chevalier de nuit. La rose et le muguet, fleur soleil, chevalier de nuit. La pluie tombait souvent, soleil levé tous les jours. Moi levé matin, moi joint jardin comme fleuri. Moi formé un joli bouquet, des plus jolies fleurs du jardin. La rose et le muguet, fleur soleil chevalier de nuit. La rose et le muguet, fleur soleil chevalier de nuit. C'est pour Marie-Jocelyne, y'a des comme fleuri jodia. Fais la pluie tomber dans ta pluie, t'es l'éternité, le soleil levé dans le moi. M'a fait briller pour deux, pour le poids de l'amour. C'est pour Marie-Jocelyne, y'a des comme fleuri jodia. Vas-y à mon lit, fais la pluie tomber dans ta pluie. Et c'est l'éternité, le soleil levé dans le moi. M'a fait briller pour deux, pour le protéger à mon nom. Bonne sélection, Hamid. Quel jeu de guitare, vous n'entendez pas autant. C'est le magnifique, l'incomparable Coupé Cloué du Haïti. Doncs acabem el programa per aquesta setmana després de la col·laboració d'en Hamid. Fem una cançó de Christoph. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat tot amb aquesta nova edició de Olala Music. Fins la propera. Pendant 16 mois vécu cette vie-là. Que c'est bon de voir s'ouvrir la grille, de partir en ne se retournant point, en criant la joie qui nous emporte loin de cette vie-là. Adieu, monde terrible, adieu, tu ne me referas plus le coup du petit soldat qui doit marcher au pas. Que c'est bon de voir venir la fille qui bientôt se pendra à mon cou. Que c'est bon de retrouver la ville et puis d'oublier tout. depuis ce jour où j'ai laissé ce visage qui voulait dire je t'aime. Mais pourtant, je me suis embarqué, oubliant ses appels. Adieu, monde terrible. Adieu, marche et combat. Pour jouer la guérilla, tu ne m'y reprendras pas. J'ai laissé tous mes amis et bien d'autres prendront ma place. Ce n'est pas pour la vie, il faut que l'on s'y fasse. La, la, la.